sexy gogo danseuse, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Sexy gogo danseuse, sexy gogo danseuse, sexy gogo danseuse, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Sexy gogo danseuse, sexy gogo danseuse, sexy gogo danseuse, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime.